les émigrants. Des chariots qui partaient dans l'ouest. La nostalgie de mes 10 ans. Pour ceux qui ont fait mon Far West. Seulement le monde est comme il est. Le Far West n'est plus ce qu'il était. Et je n'aurai plus jamais 10 ans. C'est la Californie maintenant. C'est la Californie maintenant. C'est la Californie maintenant. C'est la Californie maintenant. C'est la Californie maintenant. Les femmes là-bas vous ouvrent les bras en vous disant combien ça va. Et si combien ne suffit pas. How much are you doing? Les bras, elles ne les ferment pas. No, no, no. Seulement les femmes sont comme elles sont. L'amour s'écoute dans les chansons. Elles n'auront plus jamais 10 ans. C'est la Californie maintenant. C'est la Californie maintenant. Marine, ou le vieux chapeau de John Wayne, la carabine de Steve McQueen, les frères Dalton en file indienne. Seulement le monde est comme il est, et je dois dire à l'heure qu'il est, je n'aurai plus jamais 10 ans. C'est la Californie maintenant. C'est la Californie.